des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, tels que le meurtre, la prise d'otages et d'autres infractions graves. Et en réponse, Henri Ford, écoutez bien, l'organisation terroriste Hamas a publié un communiqué et dans ce communiqué, il rejette les mensonges et le parti pris flagrant envers l'occupation que le manque de professionnalisme et de crédibilité du rapport de Human Rights Watch. Et exigeons son retrait et des excuses. Alors on a tué 1200 personnes, on a violé je ne sais combien de femmes, on a tué des bébés, on a pris 250 otages, on a fait 4200, blessés, et ils trouvent que c'est un mensonge, il n'y a pas de crédibilité à ce rapport, mais le commun des mortels, lui, il croit ou il pense comprendre Israël et a fait pas mal de drames à Gaza. Israël n'a fait que répondre à cette attaque qui ne se justifie pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons à Gaza, ou du moins les Gazaouis vivent un enfer parce qu'il y a un travail à terminer, il y a un travail à faire. Alors on va le finaliser d'une bonne fois pour toutes. Alors le rapport du Human Rights Watch a adopté l'ensemble du narratif israélien, s'éloignant d'une méthodologie de recherche scientifique, alors on dit que c'est pas scientifique, et d'une position juridique neutre pour devenir davantage un document de propagande israélien. Que font le Hamas à longueur de journée? On montre des femmes maquillées en train de pleurer qui prennent un traversin dans les mains et ils disent ça c'est ma fille, ils prennent des picots et disent c'est mon bébé. Enfin bref, c'est du Bollywood ou du Gazawood si vous voulez, je ne sais pas ce que c'est, mais des mises en scène terribles. D'ailleurs, il faut dire que dans une déclaration, M. Netanyahou affirme que l'Iran avait planifié une invasion d'Israël sur plusieurs fronts, mais le Hamas a tiré un peu trop tôt. Netanyahou a révélé les détails d'un complot iranien contre Israël avant le 7 octobre lors d'une réunion avec les familles des soldats tués dans l'attaque terroriste. Et mardi de cette semaine, M. Netanyahou a rencontré les familles des femmes soldats d'observation qui ont été massacrées à la base Nahal Oz il y a 9 mois. Au moins, certaines de ces remarques au cours de la réunion ont été secrètement enregistrées et divulguées aux médias. Le média en hébreu, Channel 12, publiant des parties de ces commentaires. Dans l'enregistrement, on entend Netanyahou dire aux familles que l'invasion terroriste du Hamas n'était qu'un élément d'une attaque sur plusieurs fronts planifiée par Téhéran. Alors nous avons découvert que pendant l'opération de Sarah à Gaza, que Yahya Sinwar a tout simplement ouvert le feu trop tôt, que l'Iran prévoyait de nous mettre sous la mainmise de ses mandataires, de nous envahir depuis Gaza, du Liban, depuis la Judée et la Samarie, et depuis la Jordanie. L'attaque comprendrait des invasions terrestres simultanées et des tirs massifs de missiles, des centaines de milliers de missiles, de roquettes, de drones. Et c'est ce qu'a affirmé M. Netanyahou. Et des attaques de l'Iran lui-même, qu'il a déjà tiré, a-t-il ajouté, faisant référence, vous souvenez, à l'assaut aérien sans précédent de l'Iran en avril, qui comprenait des centaines de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones explosifs. Alors cette attaque comprenait également des lancements coordonnés de menaces aériennes de groupes mandataires, soutenus par l'Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. Et Netanyahou a précisé que les menaces israéliennes de rayer Israël de la carte du monde ne sont pas rhétoriques. Elles doivent être interprétées comme l'objectif de l'Iran, objectif final de l'Iran. Le plan n'est pas d'anéantir Israël en tant qu'idée, mais de détruire l'État d'Israël, de conquérir l'État d'Israël. Alors Israël et l'Iran sont enfermés dans une guerre par procuration depuis des années. La République islamique finance et entraîne de nouveau de nombreux groupes terroristes non étatiques, dont le Hezbollah et ses groupes entourent l'État d'Israël. Alors, voyez-vous, quand on parle d'attaques démesurées et déplacées, c'est l'Iran qu'il faut combattre. Ce n'est pas Israël. Israël ne fait que se défendre. Et je pense que la conscience humaine qui est là à condamner Israël est en train d'avoir un faux jugement par rapport à la situation qui traîne. Et ce n'est pas une situation qui est palestinienne, c'est une situation qui est islamique. C'est que islamique et elle veut absolument démolir Israël et ne plus l'avoir dans ce passé. Je vous l'ai dit, je vous le redis, ce que cherche à faire l'Iran avec ses petits copains de frères musulmans et également ses, comment dirais-je, ses subirs du Hamas, du djihad islamique, de Al-Qassam et du Hezbollah, c'est de rétablir un califat sur tout le territoire et d'éliminer Israël de la face du monde. Bon, ça, c'est leur vœu, mais je crois qu'ils sont pris dans une utopie. Ils n'arriveront jamais à détruire Israël. Israël ne peut pas détruire. C'est un pays indestructible. Parce que plusieurs pays, plusieurs nations ont essayé de détruire Israël. Ont tenté. Je parle des Grecs, je parle des Romains, je parle des Perses, c'est-à-dire à l'époque de Assyrie. Je parle des Babyloniens, je parle de l'Inquisition, je parle de Hitler, tout cela, soit ils sont morts, ou alors ils sont dans des musées, et Israël et le peuple juif est toujours présent, il est toujours ici à découvrir de nouveautés, découvrir de nouvelles choses, et voir un peu comment on peut améliorer le sort de l'humanité. Alors, si, je répète un peu ce que j'ai dit mercredi dernier, si les Palestiniens avaient voulu, enfin, ceux qui s'appellent Palestiniens, les Gazaouis et les Cisjordaniens avaient voulu devenir vraiment, mettre une présence, avoir une force sur Terre, au lieu de penser à investir, à engloutir des milliards dans des tunnels, dans l'achat de matériel militaire, dans la recherche de l'assassinat des juifs où qu'ils se trouvent. Et s'ils avaient mis cet argent dans la recherche et le développement, s'ils avaient mis cet argent dans la conquête de nouveaux projets, dans des investissements qui auraient créé des emplois, qui auraient donné de la vie à leur sang, qui auraient créé un Singapour extraordinaire à Gaza et qui aurait créé une économie très forte. Mais on n'aurait pas été ici. Malheureusement, les Palestiniens, enfin ceux qui se disent Palestiniens, ont choisi des idiots pour les diriger et sont bien tués parce que quand on dit Adba Adiyahoud, eh bien on a 70 vierges qui nous attendent au paradis et c'est vrai, c'est une façon de voir les choses, moi je crois qu'il devrait être un peu plus instruit, un peu plus intelligent que ça, et décider, bon, on n'arrive pas par la guerre, on va arriver par la paix. Et c'est ce que je suggère, on arrête, on discute, on va s'entendre, on va se développer mutuellement, on va investir des sommes dans le développement économique de Gaza et de la Cisjordanie. Et après, on verra s'ils sont assez intelligents pour pouvoir développer quelque chose, développer un marché international, développer une économie florissante. Et si c'est ça, eh bien la paix viendra d'elle-même. Alors, Charles Marchesat, qui vous souhaite Shabbat Shalom. N'oubliez pas que ce Shabbat, on va annoncer le jeune du Sertamouge, qui est mardi, et il commence à 3h du matin, et il finira vers 9h du tard, je crois. Vérifiez vos calendriers ou demandez à vos autorités rabbiniques. Alors, je vous souhaite un Shabbat Shalom.